Everybody seems to be ready. Are you ready? The greatest rock and roll band in the world, the Rolling Stones! The Rolling Stones! Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les Rolling Stones ou l'histoire d'une stratégie qui se transforme en tragédie. C'est le festival d'Altamont en 1969 aux États-Unis. Un récit qui s'inscrit au cœur d'une époque située à la charnière entre les 60s et les 70s. Deux décennies magiques pour la culture rock et pop, l'équivalent de la Renaissance pour la musique. Comme si à ce moment-là, une force cosmique avait rendu tout le monde plus créatif. Altamont, c'était l'initiative d'un groupe de rock mythique, les Rolling Stones, qui avait décidé d'en faire leur Woodstock, un rassemblement géant pour un festival de musique rock aux couleurs de la Beat Generation, du mouvement hippie là-bas sur les collines à l'est de San Francisco. Altamont devait donc être le grand rendez-vous musical de cette fin d'année 1969. Tous ceux qui comptent sur la scène musicale de l'époque sont conviés. Il ne manque que, si je puis dire, les Beatles, qui restent les plus grands bien sûr, mais qui vivent leur dernière année en tant que groupe. Ils se déchirent à Londres lors de l'enregistrement de l'album Let It Be, alors un festival dans ces conditions, non merci. Mais il y a là Carlos Santana, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young, Tina Turner et bien sûr les Rolling Stones en clôture. Seulement à Altamont, rien ne se passera comme prévu, du début jusqu'à la fin, comme un rendez-vous maudit. Ambiance délétère, organisation hasardeuse, musiciens blessés et une fin dramatique. Quatre morts, dont un jeune homme poignardé par le service d'ordre. Ce drame va traumatiser la planète rock. Il symbolise à lui tout seul la déchéance de l'utopie collective, du mouvement hippie, le fait l'amour, pas la guerre, le flower power, le summer love de 1967, si proche et soudainement si lointain. Alors que s'est-il passé en ce début du mois de décembre 1969? Comment en est-on arrivé là? Pourquoi un festival de musique hippie censé apaiser les cœurs et les esprits emprunte-t-il les chemins de la violence? Les Rolling Stones sont-ils responsables de cette tragédie? Notre invité aujourd'hui, Patrice Blanc-Francard, producteur, homme de radio et spécialiste du rock. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot et Adrien Cara, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, réalisation Coy Nguyen et Jérôme Chélius. À la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson et Bruno Poncelet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Hey people! Hey tout le monde! Sisters, brothers and sisters! Mes sœurs, mes frères! Come on now! Venez maintenant! That means everybody just cool out! This is Stephen Ponick, KSAN Radio, San Francisco. And while the Rolling Stones tour of the United States is over. Who's fighting and what for? I read in one of the papers that you'll be giving a free concert in San Francisco. Doing a free concert. On va donner un concert gratuit à San Francisco. Hey. Oh. No. No. Why are we fighting? We don't want to fight. Come on. Ils sont cinq, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Mick Taylor et Bill Wyman. Ils sont les Rolling Stones, le plus grand groupe du rock'n'roll au monde. En cette journée du 6 décembre 1969, à Altamont Speedway en Californie, ils ont donné rendez-vous à 300 000 personnes pour un festival de musique qu'ils veulent mythique. Cet événement est leur fête. Il doit être le point d'orgue de leur tournée. Mais c'était sans compter sur une organisation décadente et inexistante qui débouchera sur un cocktail explosif de violence, de chaos, de contre-culture. La tragédie qui va se dérouler à Altamont et que nous allons vous raconter s'inscrit encore aujourd'hui dans les mémoires collectives pour ces quatre morts, dont un jeune homme poignardé par un motard des Hells Angels chargé de la sécurité. La fin de l'histoire, elle sera à la hauteur d'une fiction hollywoodienne, car face au danger, les Rolling Stones eux-mêmes prendront la fuite de leur propre festival par hélicoptère. Les Stones sont au milieu des années 1960, quelques années seulement après leur formation en 1961, des icônes du rock, des monstres sacrés, une machine à tubes et forcément une machine à cash. Leur musique, elle est à l'image du mode de vie qu'ils représentent, alternatif, décadent, rebelle. Et les paroles de leurs chansons traduisent cet esprit, celui d'une jeunesse en mal de reconnaissance qui vit dans une société qui l'étouffe. Les Stones, c'est un groupe de 5 garçons, non pas cheveux dans le vent comme leurs voisins de Liverpool, les Beatles, mais plutôt nés dans la poudre, ce qui leur vaut certains démêlés avec la justice et une réputation sulfureuse, accusée tantôt d'inciter à la violence, tantôt de promouvoir l'usage des drogues. Mais, avec le recul, qu'on ne s'y trompe pas, là où les Stones annoncent la couleur avec Street Fighting Man, par exemple, rendant hommage aux combattants de la rue, ceux de mai 68 en France, notamment, les Beatles, eux, appellent au soulèvement avec Revolution la même année, mais de façon symbolique, métaphorique, avec un goût et un talent réel pour le sens caché. Là où les Stones s'adressent à nos pulsions, les Beatles, eux, s'adressent à notre réflexion. Ces deux groupes sont le yin et le yang du rock et de la pop. Alors, les gentils garçons d'un côté, les bad boys de l'autre, non, non, cette contre-vérité historique n'est que le résultat d'une démarche marketing orchestrée par le producteur des Rolling Stones. Et c'est ainsi que, lors de leur passage à Paris pour un concert à l'Olympia, les Stones créent une émeute. Car l'industrie du disque l'a dit aux fans, venir voir les Stones sur scène, c'est casser des chaises, sinon c'est pas drôle. Alors à la fin du show, des centaines de spectateurs influencés par le marketing et galvanisés par la musique s'en prennent au mobilier et brisent des dizaines de vitres dans les rues avoisinantes. Constat, 150 arrestations et plus de 30 000 euros de dégâts. Les Stones, charismatiques, bien sûr, comme d'autres grands groupes de cette époque bénie. Pour la musique. Ce ne sont pas des cris d'émeute, ce sont des cris d'extase. Pour ces quelques centaines de fans, le jour de gloire est arrivé, la gloire de leurs idoles, les Rolling Stones. L'hélicoptère s'est à peine posé et c'est la ruée contenue par les agents qui doivent empêcher les Rolling Stones d'être étouffés par le succès. Ils sont formidables. Aller voir les Rolling Stones sur scène, c'est aller à la rencontre des riffs magiques et inoubliables de Keith Richards. C'est aussi aller communier avec Mick Jagger, le charismatique leader du groupe, chanteur puissant, danseur exceptionnel. Il est même l'archétype des chanteurs de rock. Jim Morrison, lui, en sera l'archange, mais c'est une autre histoire. Et nous vous la raconterons un jour. Revenons aux Stones. Mick Jagger incarne à lui seul l'image cliché, sexe, drogue et rock'n'roll. Mais il est aussi un très bon chef d'entreprise quand il s'agit de gérer les affaires et l'image du groupe. La preuve, lors des conférences de presse, Mick Jagger se montre toujours habile et il sait retourner chaque situation à son avantage. Êtes-vous satisfait aujourd'hui de votre carrière ? Vous voulez dire sur le plan sexuel ou philosophique ? Les deux. Oui, on est plutôt satisfait sur le plan sexuel aujourd'hui. Et sur les plans philosophiques et financiers ? Pas sur le plan financier. Sexuellement satisfait. Philosophiquement, on essaie. Mais comme un mauvais présage, l'année 1969 est celle d'une dissonance au sein du groupe. Brian Jones, le guitariste, longtemps leader du groupe, est mis à l'écart. On lui reproche officiellement ses abus d'alcool, de barbiturique ou de LSD. De la part de Mick Jagger et consorts, ça ne manque pas de sel. Mais bon, un mois plus tard, le 3 juillet, les enquêteurs de la police de Los Angeles retrouvent le corps sans vie de l'ex-guitariste des Stones dans sa piscine, victime d'une overdose médicamenteuse. 1969, c'est aussi une année de tournant dans l'itinéraire musical des Stones. Malgré leur évidente popularité, ils se retrouvent au centre de deux polémiques. D'une part avec leur public, ils leur reprochent le prix trop élevé de leurs billets. Où sont passés ceux qui, quelques années plus tôt, étaient prêts à dormir dans leur combi Volkswagen et à jouer pour 3 malheureux dollars une soirée entière dans les bars ? Où sont-ils ? D'autre part, ils sont jugés trop violents dans leurs textes et dans leurs attitudes. Qui plus est, l'image d'accro aux drogues qu'ils renvoient déchaîne les critiques, dépassées en fait par leur marketing. Pour les organisateurs du festival de Woodstock, c'en est trop. Non, ils ne seront pas invités à cette fête-là. C'est un coup dur pour les Stones, bien sûr, et pour leur manager Alan Klein, qui voulait faire de 1969 le grand retour de Mick Jagger et de sa bande sur le sol américain, pays dans lequel ils n'ont pas joué depuis 1966. Cette année-là, they can't get no satisfaction. Why are we fighting? We don't want to fight. Come on! Alors germe l'idée d'un Woodstock de la côte ouest. Mais avant, en juillet 1969, les Stones sont à Hyde Park, à Londres. Le concert qu'ils donnent sera le plus grand jamais organisé par un groupe de rock. Ce jour-là, ils sont plus de 250 000 à venir les écouter dans la joie et dans la bonne humeur. Une occasion pour les Stones de rendre hommage à Brian Jones, leur ancien guitariste, mort quelques jours plus tôt. Fort de ce succès londonien et quelques semaines avant de revenir donner des concerts aux États-Unis, les Stones décident de frapper un grand coup pour marquer les esprits. Lors d'une conférence de presse, Mick Jagger confirme la rumeur qui semblait prendre forme depuis plusieurs semaines. Oui, le groupe va bientôt organiser un festival de musique géant sur la côte ouest américaine. I read in one of the papers that you'll be giving a free concert to San Francisco. On va donner un concert gratuit à San Francisco le 6 décembre. Et la location n'est pas Golden Gate Park, hélas, mais un peu plus loin, dans un endroit plus grand. Le but est de recréer une sorte de petite société qui peut être un exemple pour le reste des États-Unis sur comment se comporter dans de grands rassemblements. Un festival gratuit dont le produit du documentaire réalisé par les Fairmails devrait permettre de rembourser les dépenses engagées. Alan Klein, le manager des Stones, qui montrera un peu plus tard avec les Beatles à quel point il est doué pour se tromper, une véritable calamité, en est sûr. Ce sera le point d'orgue de la tournée de 1969, un événement dont tout le monde se souviendra pendant des années. Il est loin à ce moment-là d'imaginer la tournure dramatique que vont prendre les événements. Alors, aurait-il fallu rappeler à l'ineffable Alan Klein qu'organiser un festival de musique, ça demande du temps, de la réflexion et surtout de la préparation ? Circonstances aggravantes, personne dans l'entourage du groupe ne passera le moindre coup de téléphone pour s'assurer que l'emplacement du Golden Gate Park à San Francisco est disponible. Il se trouve que le maire de la ville, de San Francisco, n'a aucune envie de voir débarquer ni de devoir gérer ceux qu'il qualifie de drogués et de fêtards. Il leur refuse donc l'accès au parc. Nous sommes le 4 décembre 1969, 48 heures avant l'événement. Mais autant le dire, rien n'est prêt. L'avocat des Rolling Stones, Mel Bailey, tente encore de convaincre les propriétaires du circuit de Surf's Point, situé à une quarantaine de kilomètres au nord de la ville, pour obtenir l'autorisation que le festival s'y déroule, car le temps presse. De nombreux fans sont déjà en route. This is Mel Bailey, the lawyer in San Francisco. Ici Mel Bailey, l'avocat de San Francisco. Talking for the Rolling Stones, we've got their managers and their principals here. Je vous appelle de la part des Rolling Stones, dont leur manager se trouve ici avec moi. I just heard that you've offered them your Speedway up there for their performance on Saturday. Is that right? On vient juste de m'apprendre que vous leur avez offert votre circuit pour leur concert samedi. Est-ce exact? That is correct. C'est exact. This is an open phone, so we can all talk on. Nous sommes sur haut-parleur, hein, donc nous pouvons tous parler ensemble. Ce que je suis en train de chercher, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le concert puisse bien avoir lieu. Ça fait 36 heures que j'ai mis tous mes gars dessus pour organiser ça, M. Bailey. Je ne sais rien à propos de tout ça. J'arrive tout juste sur le projet et j'essaie d'y voir clair. Pouvez-vous me dire exactement ce qu'il en est ? Ma première préoccupation ? Je ne veux pas le moindre écart de conduite de la part de M. Jagger, qui me coûte 5 cents. Si un morceau de ma pelouse est abîmé, ils vont devoir me la faire repousser. J'ai été impliqué à Woodstock, vous savez, et dans l'organisation de certains festivals. Et je sais comment ces gens-là se comportent. Oui, et c'est pas gagné. Quant aux Stones, exténués par leur tournée qui les a fait traverser les États-Unis depuis plus d'un mois, ils sont sur le chemin de San Francisco. Nous voici à la veille du début du festival. La scène vient tout juste d'être montée à Surf's Point. Mais faute d'accord financier avec les dirigeants du circuit, il faut la démonter et trouver un autre endroit en urgence. C'est le branle-bas de combat. Tous les volontaires disponibles sont mobilisés. Faute de moyens, on fait appel aux riverains du circuit pour faire transporter les différentes pièces de la modeste structure. Et ce sont en tout 300 personnes qui vont s'activer pour déménager le site du festival durant cette froide nuit de décembre 1969. Direction donc le circuit d'Altamont, en pleine nuit, à 40 km à l'est de San Francisco. Un circuit beaucoup plus petit que Surf's Point et surtout beaucoup plus difficile d'accès. À l'arrivée, certaines parties de la structure de la scène ne sont pas là. Alors on monte à la hâte des échafaudages pour installer les enceintes. On débute d'un poste électrique pour brancher le groupe électrogène. Tout n'est que bricolage, arrangement, pour tout dire, improvisation. Pour ce qui concerne la partie sécurité de l'événement, ici, comme à l'image du reste, rien n'est prévu. Alors, pour assurer la sécurité du matériel et des groupes de musiciens, on fait appel en dernière minute aux Hells Angels, un gang de bikers, des gros bras adeptes des trafics de drogue et de sales affaires en tout genre. Ils arrivent le matin même sur leur moto avec pour seule valise des battes de baseball et des queues de billard, entre deux sachets de LSD, bien sûr. Et pour compléter le dispositif, des dizaines de bénévoles, des policiers à la retraite sont embauchés pour contenir et maîtriser plus de 300 000 personnes le verre et dans le fruit. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. But what's puzzling you is a nature of my name. Ah, yeah. Get down in it. We'll be right back. Sur la route sinueuse qui mène au circuit d'Altamont, un flot ininterrompu de milliers de véhicules stationne sur la chaussée. Il est 6 heures du matin et déjà, selon la police, plus de 50 000 personnes attendent sur les collines du circuit, lieu du grand concert. Le thermomètre, lui, avoisine les 0 degrés. Il fait froid, très froid, ce mois de décembre 1969. Un vent glacial venu du Pacifique balaye les collines et rafraîchit les esprits, même les plus téméraires. Pourtant, ils sont nombreux à être venus, seuls, en couple, en famille, c'est selon. Ils viennent de San Francisco, Los Angeles, certains arrivent même de New York ou de Londres en avion. Et ils ont raison. Assister à un concert des Stones est toujours une expérience particulière. Si vous ne l'avez jamais vécu, il est encore temps, mais sans perdre de temps. Les Stones sont toujours là. Oh, bien sûr. Et on l'a vu en juin dernier au Stade de France, le groupe n'a plus tout à fait la même énergie parce que ses membres ont 70 ans maintenant et qu'à cet âge, comment le leur reprocher? Il devient plus difficile pour Mick Jagger de courir sur scène comme il le faisait si bien avant. Il est tout aussi difficile pour Keith Richards de jouer de sa guitare en se penchant vers le public en équilibre précaire sur le rebord avant de la scène. Mais la musique des Stones est toujours là, grandiose, avec cette énergie unique et une programmation qui respecte au pied de la lettre le désir du public. Pas de chansons trop récentes, non, que les grands tubes qui tous s'inscrivent dans les décennies magiques qui se termineront avec les années 90. Retour au 6 décembre 1969. Il est 10h. Les Rolling Stones sont en repérage. Ils arrivent à bord d'un hélicoptère et survolent une foule encore plus dense qu'ils ne l'avaient imaginée. À peine débarqués, Mick Jagger, à tout seigneur tout honneur, est la première victime de la tension qui règne alors à Altamont. Il est frappé au visage et tombe en arrière. La police intervient. Il a frappé Mick. Quelqu'un l'a frappé. Je le déteste. C'est la confusion. Escortés dans le calme par la police, les Stones se replient dans leur caravane autour de laquelle une horde de Hells Angels monte la garde. Quelques heures plus tard, Mick Jagger donne une interview à des journalistes au pied de sa caravane. S'il se prétend heureux d'être là, son visage traduit sa préoccupation et la tension du moment. Car comme beaucoup d'autres, il a conscience que tout est désorganisé et qu'il ne reste rien à ce moment précis de l'atmosphère de paix et de musique qu'a connue Woodstock. Par ailleurs, l'espace qui doit servir de scène pour les concerts est minuscule, de la taille de deux tapis de salon pour un public réparti sur plusieurs hectares. Située à seulement un mètre du sol, la scène est jonchée de câbles électriques qui s'en allaient dans tous les sens. Et pour couronner le tout, pas de sanitaire, juste quelques tranchées avec des planches, pas d'ambulance, pas d'hébergement. À l'extérieur de la caravane des Stones, la fête semble suivre son cours. Malgré tout, des gens boivent, d'autres fument. Le petit monde parallèle qui se crée lors des festivals rock semble retrouver ses repères. À celui qui veut acheter de la drogue, il y a toujours quelqu'un pour la lui vendre. Hashish, LSD, amphétamine. À cette époque, tout festival qui se respecte est un supermarché de la drogue, à consommer sur place. Face à l'affluence, les rares personnes en charge de gérer l'organisation sont inquiètes. Inquiets lui aussi. Carlos Santana, l'un des premiers à jouer en ce début d'après-midi. Le guitariste confiera plus tard avoir ressenti les mauvaises ondes ambiantes. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Et notre invité aujourd'hui, c'est Patrice Blanc-Francard, producteur, homme de radio, spécialiste du rock. En milieu d'après-midi, les collines d'Altamont sont balayées par des rafales de vent glacial, ce qui n'a pas l'air de déranger les fans assis en tailleur. Le groupe Jefferson Airplanes arrive sur scène, emmené par la chanteuse Grace Slick et le guitariste Marty Bellin, quand une première bagarre éclate dans la foule, au pied de la scène. Hé les amis, arrêtez de vous battre, ce n'est pas obligé. Amenez-le de l'autre côté. Allez, allez, allez, allez. Arrêtez de vous battre, laissez-le, arrêtez de pousser, reculez. Il nous faut un docteur sur l'échafaudage gauche. Vite. À vrai dire, on ne sait pas trop ce qui se passe, si ce n'est que trois motards des Hells Angels frappent quelqu'un avec des queues de billard. Les spectateurs envahissent la scène, la prestation des Jefferson Airplanes est interrompue. La musique finit par reprendre quelques minutes après, mais le climat semble désormais tendu. Et pour les spectateurs qui se trouvent au pied de la scène, c'est le début de l'enfer, à la fois victime de bousculades qui les poussent à avancer vers la scène. Ils subissent les coups assénés par les Hells Angels pour les faire reculer. L'un d'eux ira même jusqu'à frapper, par erreur ou non, le guitariste du groupe. La musique s'arrête de nouveau et Grace Slick, la chanteuse de Jefferson Airplanes, qui tente de calmer la situation, est violemment prise à partie par l'un des motards qui, bière à la main et bêtise en bandoulière, menace également ses musiciens. Ok, ça commence à devenir étrange ici. Hey, j'aimerais signaler que j'ai vu un des mecs des Hells Angels frapper Marty Bellin au visage. Il l'a presque assommé. Je crois qu'on peut vraiment les remercier pour ça. Il y a tellement d'autres choses à faire. Et attends, c'est quoi ça? À qui est-ce que tu crois parler? Tu me parles? Je te parle? Non, je te parle pas à toi. Je parle à ceux qui ont frappé mon chanteur. Tu parles sur mes amis. Je vais te dire ce qui est arrivé. C'est toi qui es arrivé. Wow. Non! Et attends un peu. Non, arrêtez. Tu sais ce qui se passe? On fait la fête comme vous, hein. C'est vraiment idiot. Est-ce pas besoin de rester sur la scène? Ils vont pas nous embêter. Ils ne sont pas si... Bref, c'est pas la peine. Les corps ne doivent pas s'approcher sauf pour faire l'amour. Les gens sont bizarres. Faut des gars comme les Hells Angels pour les garder dans le bon chemin. Mais les Angels, vous aussi, on fera pas les gens à la tête pour rien. Les deux côtés cherchent les histoires. Ne les laissons pas gâcher notre moment. Les membres du groupe Jefferson Airplane auront à peine le temps de finir leur dernière chanson que leur agent les presse manu militari de monter dans un hélicoptère pour évacuer le festival. Ambiance. Parmi les milliers de spectateurs présents, c'est la colère et l'incompréhension. Ils sont tous venus pour écouter de la musique, mais le spectacle auquel ils assistent ressemble plus à celui de bagarres à répétition entre les Hells Angels, membres autoproclamés du service d'ordre, et certains individus sous l'emprise de drogue. Ultime provocation, les bikers des Hells Angels traversent le public avec leur moto, comme pour lui envoyer un avertissement. Ici, la loi, c'est nous. C'est leur jour de gloire, ils sont le service d'ordre des Stones. C'est maintenant au tour de Crosby, Stills, Nash & Young de monter sur scène pour un concert expéditif. À peine terminé, Neil Young et ses comparses se précipitent dans l'hélicoptère qui les ramène à San Francisco. La nuit tombe sur Altamont et avec elle, plus aucune lumière pour éclairer l'immense foule qui s'est rassemblée autour de la scène. Les odeurs d'alcool flirtent avec celles des drogues que l'on fume, il fait froid. Les visages sont quelque peu tendus après les premières bagarres de l'après-midi. Et c'est enfin l'heure. Les Stones montent sur scène et jouent dans la pénombre. Avant même de commencer à chanter, Mick Jagger prend la parole pour tenter d'apaiser les cœurs. Peine perdue, quelques minutes plus tard, alors que le groupe joue son premier titre, une bagarre éclate. Les Hells Angels se ruent alors dans la foule pour frapper à tout va. Mick Jagger interrompt la musique et demande de calme. Hey people! Hey tout le monde! Sisters! Brothers and sisters! Brothers and sisters! Mes sœurs, mes frères, come on now. Venez maintenant. That means everybody just cool out. Tout le monde doit être cool. Will you cool out, everybody? I flew up, man. I know. Tout le monde est cool maintenant. Yeah. Allez. Everybody be cool now. Come on. All right. D'accord. How are we doing over there? Qu'est-ce qui se passe par là? All right. C'est Mick qui est au micro. C'est moi qui vous parle. Everyone all right? Okay. All right. I think we're cool. We can go. We always have something very funny happens when we start that number. people, I mean, who's fighting what for? Hey, tout le monde. Qui est en train de se battre et pourquoi? Who's fighting and what for? Why are we fighting? Pourquoi vous vous battez? Why are we fighting? We don't want to fight. Come on. Arrêtez de vous battre. Do we want? Who wants to fight? Who is it? Come on. Come on, yes. La musique reprend enfin, mais à ce moment, personne ne semble plus vouloir ni la jouer, ni l'écouter. Quelques minutes plus tard, alors que les Stones en sont aux premières paroles de leur troisième chanson, Under My Thumb, nouvelle panique dans le public. Des cris se font entendre, puis une bousculade. C'est là que le drame se noue. Un jeune homme, Meredith Hunter, est poignardé et tombe à terre. Les Rolling Stones n'ont rien vu de ce qui vient de se dérouler à quelques mètres d'eux. La petite amie du jeune homme, Patty Bellenhoff, raconte la scène. Quand on est arrivé près de la scène et que les Rolling Stones ont commencé à jouer, il y avait beaucoup de bousculades. Et The Angels se trouvaient là. Mais Reddit continuait d'essayer de s'approcher. Je n'arrivais pas à le suivre, car je n'étais pas assez forte pour m'approcher autant que lui. Il est allé aussi près que possible, jusqu'à un endroit où il y avait un échafaud sur lequel des gens étaient montés. Puis on m'a bousculé, et quand j'ai relevé la tête, j'ai vu qu'un Hells Angels qui était là avait frappé Meredith. Il l'avait poussé ou cogné. Le coup ne l'a pas assommé, mais l'a projeté sur le côté de la scène, et quand il a commencé à revenir vers ce Hells Angels, un autre lui a sauté dessus et l'a attrapé par le cou. Ils se sont bagarrés. Quand les gens ont reculé, Meredith est venue à côté de moi et il a sorti un pistolet. Puis ils sont venus vers lui, oui, un groupe de Hells Angels, peut-être pas tous, mais la plupart avec leurs gilets en cuir. Ils lui ont attrapé le bras, ils se sont tous mis à lui donner des coups de pied. L'un d'eux avait un couteau. C'est la confusion. D'autres témoins affirmeront plus tard devant la justice avoir vu Meredith Hunter sortir une arme avant qu'un Hells Angels ne lui assène un coup de couteau dans la joue, puis deux dans le dos. Jusqu'à ce que le jeune homme de 18 ans ne s'écroule à terre et continue d'être frappé par les Hells déchaînés. L'un des témoins de la scène raconte ce qu'il a vu aux policiers qui arrivent sur place. Il a sorti une arme. Il a sorti une arme de je ne sais où. Et l'un des Hells Angels l'a plaqué au sol. Ils ont commencé à se battre. Il y a eu des coups de couteau. Il était toujours vivant à la fin, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Sur scène, les Rolling Stones pensent qu'il s'agit encore d'une bagarre, une de plus. Ce n'est que lorsqu'ils quittent la scène après une dernière chanson qu'on leur apprend qu'un homme s'est fait poignarder par un membre des Hells Angels. Le départ des Stones du site d'Altamont est alors à l'image du festival, dans la précipitation. Keith Richards oublie une guitare. Des affaires personnelles appartenant aux Stones sont abandonnées dans leur caravane. En fait, tout le monde se rue vers l'hélico pour quitter ce qui semble alors être une zone de guerre, en tout cas de non-droit. C'est la fin. Au lendemain du festival, Altamont se réveille dans la douleur. La soirée a fait 4 morts, une catastrophe. Le jeune homme poignardé à mort, à quelques mètres de la scène, mais aussi un noyé, 2 enfants écrasés dans leur sac de couchage par un conducteur sous acide. Des motos incendiées, des voitures volées, des bad trips dues aux drogues, des blessés. Oui, tel est le bilan de ce Woodstock de la côte ouest. Dès lors, les festivals de rock seront interdits dans le comté du circuit d'Altamont. En 1972, 3 ans après les faits, Alan Passaro, le biker des Hells Angels, l'auteur des coups de couteau sur le jeune Meredith Hunter, est arrêté puis jugé pour meurtre. Il est finalement acquitté pour avoir agi en état de légitime défense. Car bien que l'on n'ait jamais retrouvé son arme, de nombreuses vidéos amateurs montrent effectivement que le jeune Meredith Hunter avait un pistolet dans la main gauche et qu'il a tenté de le braquer vers la scène. Quand ils découvriront les images du documentaire des frères Mail, les Rolling Stones seront choqués, on ne serait à moins. Ils ne reviendront jouer aux États-Unis que 3 ans plus tard. Oh, Sensible et Rolling Stone, le concert d'Altamont. Notre invité, Patrice Blanc-Francard, bonjour. Bonjour Fabrice. Votre nom résonne comme une corde de guitare accordée, bien accordée. Vous êtes producteur, homme de radio. On vous a beaucoup entendu sur France Inter, puis vous avez pris la direction du MOVE et vous êtes également un spécialiste et un fan du rock. Alors cette histoire, c'est quand même l'histoire du rock repeint en noir, hein. C'est Pétine Blanc. Pas vraiment, c'est juste le mauvais jour, la mauvaise heure, le mauvais moment, c'est Woodstock à l'envers, c'est la face obscure de la force en fait. Est-ce que toute cette improvisation est aussi la marque d'une époque ? Parce qu'il y a une improvisation. Aujourd'hui, on prendrait des précautions, certainement trop d'ailleurs, mais enfin bon, on en prendrait énormément. La seule chose, c'est que Woodstock était à peu près aussi désorganisé. Ouais. Sauf que, comme vous l'avez très bien dit, le truc s'est monté en deux jours parce que la location n'était pas trouvée. Les Stones voulaient absolument faire ce concert parce qu'ils avaient été accusés pendant toute leur tournée américaine d'avoir des billets beaucoup trop chers et ils voulaient se donner bonne conscience avec un free concert. Et puis, il y avait aussi cet antagonisme entre la côte ouest et la côte est des États-Unis, ce qui fait que le guitariste de Jefferson Airplane, John McConnell, après Woodstock, s'est dit « Les gars, on ne peut pas laisser la côte est nous damer le pion tout le temps, il faut qu'on fasse un truc chez nous. » Et chez nous, c'était le berceau du rock, San Francisco. Et de la côte ouest, le fameux rock de la côte ouest. Alors, les Stones ont vécu bien sûr ce moment comme un traumatisme, et on le comprend. Est-ce qu'ils en ont gardé longtemps le souvenir ? Est-ce qu'ils en ont souvent parlé dans leurs interviews, par exemple, ne serait-ce que pour évacuer, expier, je ne sais pas ? Je peux dire que à l'époque, je faisais une émission de rock pour ce qu'on appelait la deuxième chaîne de télé, qui s'appelait Pop 2. J'avais été interviewé Mick Jagger après sa tournée française en 72. Il ne voulait pas parler d'Altamont. Pour lui, c'était tellement un cauchemar. Il dit « Man, don't want to talk about it ». Donc, il ne veut pas en parler. On n'en parle pas, quoi. Donc, mais ça a laissé un souvenir. Je pense que c'était une cicatrice profonde. Je pense que c'est le moment pour tout le monde, pour nous qui étions des fans de rock, qui suivions ça. Moi, j'étais abonné à la revue Rolling Stone, qui était un hebdomadaire sous la forme d'un journal papier. Je crois que ça paraissait tous les 15 jours. Ah oui, et je me souviens. Et ils avaient été sur Woodstock absolument en disant « ça y est, la contre-culture est née, on va vivre des lendemains radieux ». Et Altamont, c'était vraiment la descente de tripes. Et puis, un an après, meurt simultanément, enfin dans les trois mois, Janis Joplin, Jimi Hendrix et Jim Morrison. Et c'est déjà la fin d'une époque. Est-ce que ça a influencé une de leurs chansons, au moins, où ils évoquent ce drame de façon explicite ou implicite, les Rolling Stones ? Pas que je sache. Mais les Rolling Stones ont eu beaucoup de... Dans beaucoup de leurs chansons, et spécialement avec les mondes non anglo-saxons, il y a eu beaucoup de malentendus. Et vous parliez de Street Fighting Man dans votre introduction. Et c'est vrai que là aussi, j'avais parlé avec Jagger. Il m'avait dit « Mais vous, les Français, vous êtes fous. J'ai jamais fait une chanson révolutionnaire pour inciter les gens à descendre dans la rue. Street Fighting Man, c'est pas ça. » Il leur rend juste hommage, quoi. Mais il n'incite pas, effectivement. Mais en France, on a tous pris ça aller, les gars, on y va. Maintenant, ils sont avec nous. Bon, ça peut être commode aussi. Ça peut être une bonne raison d'aller dans la rue. On va écouter ensemble ce témoignage d'un membre des Hells Angels, tristement célèbre. C'est sur une radio de San Francisco, vous allez voir, ou vous allez entendre. Il rejette la faute sur les Rolling Stones. I didn't go there to police nothing, man. J'y suis pas allé pour faire la police, moi. I ain't no cop. I ain't never gonna ever pretend to be a cop. Je ne suis pas un flic, et je ne prétendrai jamais l'être. And this Mick Jagger, like, put Mick Jagger, on il met tout sur le dos des Angels. Like, he used us for dupes, man. Il nous prend vraiment pour des nazes. We were the biggest suckers for that idiot that I can ever see. En ce qui me concerne, on s'est vraiment fait avoir par cet abruti. And you know what? They told me, moi, on m'a dit que si je m'asseyais sur le bord de la scène, que je bloquais les gens, je pourrais boire de la bière jusqu'à la fin du concert. C'est pour ça que j'y suis allé, pas pour autre chose. Quand ils ont commencé à toucher à nos motos, c'est là que tout a dérapé. Voilà, Patrice Blanc-Francard, vous avez réagi vivement là. Ben non, c'est-à-dire qu'en fait, les Stones, ils connaissaient rien à l'organisation de ça. On leur a dit, il y a un free concert, si on allait. C'est leur tour manager, Sam Cutler, qui avait, sur les conseils du Dead, du Grateful Dead et de Jefferson Airplane, qui étaient les locaux, les deux groupes les plus grands connus groupes, de la côte ouest de l'époque, qui leur avait dit, il faut prendre les Hells, on les a pris avec nous, ils se sont bien débrouillés, tu leur files $500 de bière et ça marche. Et c'est vrai, ils les ont payés $500 de bière. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gars, vous payez $500 de bière, qui sont supposés regarder que personne ne vienne sur scène pour déranger les musiciens et veiller sur les groupes électrogènes. Bon, il est forcé qu'à partir de ce moment-là, vous avez dit tout à l'heure le verre est dans le fruit, c'est vrai qu'il y était depuis un certain temps quand même. Mais qui sont ces gens-là ? Les Hells, ouais. Qui sont ces gens? Bah, on voit à peu près, c'est des bikers, quoi. C'est, mm-hmm. C'est une société, on va dire, assez, non pas secrète, mais... Avec des rituels Oui. Bah, on voit bien ce que sont... Il y a des Saint John's partout, il y en a à Paris, à la Bastille, ils sont super connus d'ailleurs. Et je me souviens que dans deux ou trois concerts, quand ils ont fait leur apparition, bah, ils étaient à peu près du même acabit que les Hells Angels. Mais ils sont, c'est une organisation, on ne peut pas dire qu'elle soit paramilitaire, mais elle fonctionne selon une hiérarchie très précise. Donc la bière ne leur est pas indifférente, mais d'autres substances non plus. Alors des événements comme ça, c'est bon, c'est jamais innocent. Alors même si c'est le fruit d'un mauvais hasard, de mauvais concours de circonstances, ça marque quelque chose comme une rupture par rapport au mouvement hippie, par rapport au flower power, par rapport à l'année de l'amour. La grande année 1967, si prolique, si fertile. Et est-ce que c'est un... Voilà, comme ça, une espèce de balise de repère, on passe à autre chose. Mais il y a toujours un pile et un face sur une pièce de monnaie. Quand le rock est né, il n'est pas né non plus dans l'hédonisme et le culte de la beauté. Il est né aussi dans la violence. C'est clair que quand on regarde les premiers films de rock, L'équipée sauvage, qui n'était pas un film de rock, mais qui est un film sur la culture rock, où Marlon Brando avec une bande de Hells Angels, et à ce moment-là, avec non pas des Harley-Davidson, mais des motos anglaises, si ma mémoire est bonne, c'est Triumph. Et la marque Triumph s'était émue du fait que son image était écornée par le fait de voir des sauvageons de ce genre les chevaucher. Le rock est le symbole aussi de ça. D'ailleurs, la vie entière est un truc où il y a d'un côté des choses qui sont bien, d'autre côté des choses qui sont mal. Et Altamont a représenté exactement un moment, et pour toutes les raisons que vous avez très bien expliquées dans votre première partie d'émission, tout a merdé à Altamont. Et tout ce qui pouvait merder a merdé. Et donc, on a vu le résultat. On a tiré des enseignements, il n'y a pas eu d'autres drames de cet acabit dans le rock. Hein. Bah, des drames pas aussi fortement médiatisés, mais franchement, j'ai vu des festivals qui étaient les bad vibrations, les bad vibes, les mauvaises ondes étaient là depuis le début. Bon, bah, ça arrive hein, de temps en temps, et vous ne savez pas vraiment pourquoi ça se passe comme ça, ça se passe mal. Et vous savez dès le début que ça va mal se passer, et la sono ne marche pas, et les gens commencent à s'énerver, et quelqu'un provoque une bagarre ici, puis ça revient là. J'étais au festival de l'île de Wight, le deuxième en 1970, où il y avait une affiche mais absolument monstrueuse. Il y avait 300 000 personnes qui étaient là, et ça ne s'est pas toujours passé très très bien. Dans des trucs où il y a 300 000 personnes, ça ne peut pas toujours se passer bien. Il y a toujours des gars qui ont bu, qui ont absorbé des trucs qui ne viennent forcément agressifs, et tout ça, à un moment donné, ça se simplifie pas, quoi. Patrice, il y a une autre façon de bien parler des Rolling Stones, c'est de les écouter, d'accord ? On se retrouve après. Come, she's under my thumb. Les Rolling Stones, Under My Thumb. Vous avez entendu, il dit, il chante Mick Jagger, She's Under My Thumb. C'est une, elle est sous mon emprise, c'est un peu macho comme chanson. Ouais, mais bon, il y a pas mal de chansons macho à cette époque-là quand même. C'était 64-65 ça. Alors pourquoi le rock s'écrit-il souvent en lettres noires? Toutes ces morts prématurées, vous les évoquiez, Hendrix, Joplin, Morrison, Jones, Lennon assassiné. Pourquoi cette chape de tragédie toujours sur, et souvent, peut-être pas toujours, mais souvent sur le rock? Mais en fait, on a aussi une loupe très grossissante sur le rock. Il n'y a pas la même chose dans le domaine de la politique, des arts, etc. Je pense qu'il y a autant de gens assassinés. Simplement, on n'en fait pas autant des tonnes. C'est vrai que l'assassinat de John Lennon a remué le monde, surtout par un cinglé complet qui s'imaginait qu'il lui avait volé sa personnalité. Quant à la mort de Brian Jones, bon, elle est tombée dans sa piscine et on retrouve... quand même avec un certain nombre de substances qu'il avait l'habitude de prendre. Les drogues ont tué pas mal de gens aussi, sans qu'on en ait parlé. Et je trouve personnellement que c'est un miracle que les Stones aujourd'hui, enfin à peu de choses près, soient toujours là avec ce qu'ils ont consommé. Ça, c'est un vrai miracle en sorte. Bon, un petit coup de fatigue quand même, hein, je le disais tout à oui, l'heure. Oui, c'est vrai, mais bon... Voilà, écoute, c'est comme ça, ils ont 70 ans. Qu'est-ce qu'on ne peut pas demander aux gens, 40 ans après, de faire le même truc? On est bien d'accord. Quelle place tiennent les Stones, finalement, sur la planète rock et dans l'histoire du rock? Rock et pop, finalement, parce que si les Stones ont des racines du blues, hein, alors que les Beatles, eux, sont vraiment dans la pop absolue, ils ont inventé la pop, quelle place tiennent les Stones dans cette planète-là? Une icône absolue au Panthéon. Je crois qu'ils ont inventé une certaine manière de rock. Je pense que le rock a existé avant, mais après les Stones, définitivement, il sera différent. Ce qu'ils ont pris, c'est effectivement au blues, ses racines. Et ce qu'ils disaient d'ailleurs en 62 dans le Melody Maker, qui était le journal que tout le monde lisait, qui est toujours d'ailleurs là, qui est un hebdo de musique en Angleterre, et ils disaient, Jagger, nous ne sommes pas un groupe de rock, nous sommes un groupe de blues. Et ils avaient été chercher tous les vieux disques de blues des premiers grands chanteurs qui revenaient à la mode maintenant, et en grande partie à cause du renouveau des groupes anglais au début des années 60. Quels seraient leurs héritiers, finalement? Si tant est qu'il y en ait aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas, je pense que personne ne peut être l'héritier des Stones. Ils ont été tellement caractéristiques, il faudrait que ce soit un plagiat absolu. Je pense qu'il y a plus d'héritiers d'Hendrix aujourd'hui que d'héritiers des Stones. Patrice Blanfranquer, je vais vous poser une question idiote. Peut-être la question bête de l'année. Je veux dire pourquoi je la trouve idiote. On la pose tout le temps. Vous êtes Stone ou Beatles? Alors, pourquoi on ne pourrait pas être Stone et Beatles? Je rappelle qu'ils étaient amis, qu'ils se sont entraînés. J'ai dit tout à l'heure, c'est le yin et le yang du rock et de la pop. C'est un truc de marketing complet. C'est Brian Jones qui était super intelligent, qui était hyper pote avec John Lennon, qui avait compris très vite qu'il fallait créer un antagonisme entre les deux. Il fallait qu'il y ait des bons et des méchants. Donc les Beatles s'étaient arrogés déjà le privilège d'être des bons. Il fallait que les Stones soient des méchants. Donc ils ont organisé ce truc qui a super bien marché avec toute la presse anglaise. Est-ce que vous laisseriez votre sœur épouser un Rolling Stone? Voilà, c'est ça. Ouais. Alors que si on va un peu fouiller, qu'on écoute les paroles notamment des Beatles, elles sont largement aussi subversives. Sauf que ça passe, et peut-être même plus. Je suis heureux de vous l'entendre dire, redites-le. Peut-être même plus, mais c'est vrai, je pense que John Lennon était, d'abord c'était un génie, et je ne suis pas sûr que sur le plan, enfin c'est complet, c'est difficile à dire, mais les Stones n'ont jamais été des génies, c'était des types absolument extraordinaires, mais John Lennon, par ce qu'il écrivait, a révolutionné vraiment les choses. Et quand il a dit à un moment, nous sommes plus célèbres que Jésus-Christ, ce qu'il voulait dire, en 66, c'était complètement différent. différent. Il disait qu'il avait changé le monde d'une certaine manière. Les Stones n'ont pas changé le monde, ils ont changé une très grande partie de la musique et c'est pour ça qu'ils sont iconiques aujourd'hui. Alors John a changé le monde avec ses paroles et Paul McCartney aussi avec la musique. Hein. Enfin, surtout pas oublier. Non, mais les deux sont, sont indissociables. Bien, merci Patrice Lanfrancard. C'est un plaisir, Fabrice. Merci d'être venu. Je sais que vous aimez le rock et la pop, parce que c'est vraiment votre culture. Vous avez fait la promotion sur les ondes de France Inter, de la radio. Bah, continuez. Merci. Continuez, parce qu'on va appeler ça une bonne cause. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, le concert des Rolling Stones à Altamont. Merci aux documentalistes de Radio France et à Thierry Dupin pour la programmation musicale Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr.